L'assimiloutin contre Terminator. Bonjour, je suis Krusty Saucisse et voici mon ami, l'assimiloutin. Mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin, mon ami l'assimiloutin. C'est moi, non, le petit robot, l'ami du lys. Comment ça? Quoi? Que veux-tu me dire, l'assimiloutin? Retire donc ce paquet de courrier que tu as dans la bouche, je te comprendrai mieux. Ouf, ouf. Ah oui, ce courrier était pour moi. Merci de me l'apporter. Hourra! Oh oui, c'est exact, tu le fais tous les matins. Regardons donc ce que nous avons. Alors, une lettre de Jean-Marc Ayrault, une lettre de Grand-Mère Gaise, une lettre de La Redoute, une lettre de Jeune Chienne en Chaleur. Ouf, ouf. Oh non, encore une lettre qui ne m'est pas adressée. Encore une lettre pour cette Sarah Connor. Ouf, ouf. Mais oui, ça fait bien longtemps qu'elle n'habite plus ici. Hourra! Oh, encore ce fichu téléphone! Mais qui c'est la petite bien-être? Allô? Allô, mon petit Krusty Saucisse! Oui? C'est Grand-Mère Gaise! Hourra! Bonjour, Grand-Mère, comment vas-tu? L'heure n'est pas à la franche rigolade! T'as pas eu ma lettre? Oh, mais non, je ne crois pas! Oh si, tiens, je viens de tomber dessus, mais je croyais que c'était une facture! Mais non! Écoute! L'heure est grave, ça chie dans la colle! Encore? Dis-moi, mon petit Krusty Saucisse, va falloir être franc avec moi! Est-ce que tu continues à recevoir des lettres de cette Sarah Connor? Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu une lettre qui lui était destinée. C'est très dangereux. Tu sais qu'avec les nouvelles lois qui viennent d'être instaurées en vigueur, garder des lettres ne vous appartenant pas, c'est considéré comme du recel de courrier. Et c'est passible de 200 millions de francs. Ancien? Mais bien sûr! Il faut absolument que vous remettiez ces lettres à sa destinataire. Sarah Connor? Mais oui! Mais nous ne savons pas où la trouver! Alors vous n'avez plus qu'à retrouver la personne qui a envoyé à la lettre et lui dire d'arrêter d'envoyer ces putains de lettres! Mais laisse-moi regarder! Mais cette lettre vient du gouverneur de la Californie! Il faut se rendre jusqu'en Californie! Eh ben vous voilà un beau voyage qui va former votre jeunesse! Ouf! Hourra! Un peu plus tard, au guichet de l'aéroport. Bonjour madame! Il me faudrait deux billets pour Los Angeles, s'il vous plaît! Mais bien sûr! Hourra! Un peu plus tard, dans l'avion. Mais dis-moi, mon ami l'assimiloutin, n'aurais-je pas oublié de mettre de l'antithermite dans les poutres de la maison? Ouf! Excusez-moi! Oui? Vous avez parlé de poutres? Oui, c'est bien ça? J'aime les poutres! Je me présente! Je m'appelle Astro le petit robot! Hourra! Je me rends à Los Angeles à un congrès de poutres! Là-bas, il y aura de très belles et de très rares poutres! Et j'espère bien pouvoir en acquérir de belles poutres! Et vous, pourquoi allez-vous à Los Angeles? Pour aller rencontrer le gouverneur de la Californie, pour cesser de recevoir des lettres adressées à cette fameuse Sarah Connor qui vivait dans la maison où nous habitons et où il y a de très belles poutres! C'est formidable! Sa poutre! Youpi! Hourra! Ouf! Youpi! Hourra! Ouf! Un peu plus tard, à l'aéroport de Los Angeles. Hé, Madame Simone Veil! Madame Simone Veil! T'as un autographe pour moi? T'as un autographe? Ta gueule, je ne suis pas Simone Veil, je suis Terminator! Un peu plus tard, toujours à l'aéroport, caché dans un buisson. Mes senseurs ultra perfectionnés ont détecté la lettre que j'avais envoyée. Sarah Connor n'est pas loin. Il ne me reste plus qu'à utiliser un habile subterfuge. Je vais mettre une pancarte à la sortie avec le nom de Sarah Connor. Et elle viendra prise dans mes filets. Un peu plus tard, pas très loin. Oh, mais que vois-je? Un homme avec une pancarte sur laquelle il y a marqué Sarah Connor. Il faut que j'aille lui dire que Krusty Saucisse n'est pas loin, monsieur. Sarah Connor? Oui, je... Parsambleu, ce n'est pas Sarah Connor. Oh, l'assimiloutin, c'est affreux. Regarde ce qui est arrivé à notre ami Astro le petit robot. Ouf. Oui, tu as raison, vite, allons lui porter secours. Oh, c'est bien gentil de vouloir me secourir. Mais tous mes circuits ont grillé, je crois que c'est pour moi la fin. Mais vous ne vous êtes pas présenté, qui êtes-vous? Oh, mille excuses pour ce manque de politesse. Je suis Krusty Saucisse et voici mon ami, l'assimiloutin. Oh, Krusty Saucisse, je t'ai tant cherché. Krusty, je suis ton frère. Mais ça ne tient pas debout. Hourra! Ah, te voilà, Sarah Connor. Ma mission va enfin s'achever. Je vais pouvoir t'éliminer. Mais non, je ne suis pas Sarah Connor. Je venais tout simplement vous rapporter son courrier. Elle a changé d'adresse et nous ne savons plus où elle habite. De cheval. Ouf! Hourra! De retour là où ils habitent, chez sa grand-mère. Les enfants, je suis vraiment fier de vous. Une fois de plus, vous avez déjoué les plans de cet infâme Schwarzenegger. Ah oui ? Vous l'avez bien subterfugé, car nous savons bien tous où habite cette Sarah Connor. Mais où habite-t-elle ? Dans mon âme, la